Pense à l'amour, embrasse-moi. Si la mort me veut avant toi, je bénis Dieu, tu m'as aimé. Ce doux hymen, peu d'instants. Tu vois, les fleurs n'ont qu'un printemps, et la rose meurt embaumée. Mais quand sous tes pieds renfermés, tu viendras me parler tout bas, crains-tu que je n'entende pas? Crains-tu que je n'entende pas? Je t'entendrai, mon seul amour, triste, dans mon dernier séjour. Si le courage t'abandonne, et la nuit, sans te commander, j'irai doucement te gronder, puis te dire, Dieu nous pardonne, et d'une voix que le ciel donne, je te peindrai les cieux tout bas. Crains-tu de ne m'entendre pas? Crains-tu de ne m'entendre pas? J'irai seul en quittant tes yeux, t'attendre à la porte des cieux, et prier pour ta délivrance. Oh, tu sais, j'y restais longtemps. Je veux y couler mes instants, à t'adoucir quelques souffrances. Puis un jour, avec l'espérance, je viendrai délier tes pas. Crains-tu que je ne vienne pas? Crains-tu que je ne vienne pas? Je viendrai car tu dois mourir, sans être là de me chérir. Et comme de ramiers fidèles, séparés par de sombres jours, pour monter où l'on vit toujours, nous entrelacerons nos ailes. Là, nos heures sont éternelles, quand Dieu nous l'a promis tout bas. Crois-tu que je n'écoutais pas? Crois-tu que je n'écoutais pas? Crois-tu que je n'écoutais pas? Crois-tu que je n'écoutais pas? Mon seul amour, embrasse-moi.